Bonjour à toutes et à tous. Avant de développer les titres, sachez que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République démocratique du Congo à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Les affiches d'aujourd'hui, Burundi, Guinée, Madagascar, Nigeria, Zimbabwe, République démocratique du Congo et le pays hôte, l'Égypte, affrontent l'Ouganda, Fouad El Hanaoui. Les pharaons hôtes de cette grande messe du football africain croisent le fer avec l'Ouganda. Ils auront besoin du point du match nul pour s'assurer la première place de ce groupe 1. Un point qui va suffire aussi au bonheur de l'Ouganda pour assurer un fauteuil parmi les qualifiés au 8e de finale. Par contre, le Zimbabwe et la République du Congo doivent l'emporter pour espérer être parmi les meilleurs 3e. Même cas de figure dans le groupe 2 avec le Nigeria, déjà qualifié et qui peut se contenter d'un match nul pour rester à la tête de ce groupe. Un nul qui permettrait aussi au Madagascar de faire sensation se qualifiant au 2e tour pour sa première participation à une phase finale de la CAN. C'est le cas de la Mauritanie qui a glané son premier point lors de sa première participation à une phase finale.